Parler de deux choses très importantes. Et ces deux choses sont liées avec deux organes de notre corps. Parmi tant d'organes, mais par mon expérience et par les initiations que je reçois à gauche à droite, il y a deux organes principaux. Deux choses qui sont liées avec deux organes. Qui peuvent nous aider à débloquer nos vies. Indépendamment de religion, indépendamment indépendamment de religion, indépendamment des initiations, indépendamment des marabouts. Je vais être honnête avec vous, puisque je viens partager avec vous ces éléments-là que moi-même j'ai expérimentés. Je ne le cache pas aux gens. C'est depuis 1974 que je suis plongé dans ces recherches. C'est depuis 1974 que je me suis lancé dans la spiritualité. Et la spiritualité pratique, bien sûr. Donc, nous allons découvrir. Pour ceux qui peuvent inviter au moins 5 ou 10 personnes de votre choix, des amis ou des parents. C'est important de venir quand même écouter du point de vue d'un initié, des initiés de nos traditions, initiés de la tradition des blancs et tout cela. Et c'est un peu de venir découvrir, mais quels sont les deux organes dont je fais allusion et quelles sont ces deux choses qui sont liées avec ces deux organes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Soyez tous salués et merci pour tous ceux qui ont bien voulu répondre à mon appel. C'est vrai que c'était un appel de dernière minute. J'aurais dû le faire peut-être hier, mais vous savez, mes enseignements, je ne les programme pas. Je ne les prépare pas. C'est juste un sujet que les entités m'ont demandé de venir parler. Et vous savez, quand je sors, lorsque je sors de mes méditations, eh bien, les méditations transcendantales, mon Dieu, vous avez un flot d'informations, un flot de sensibilisation. Donc, j'ai été sensibilisé de venir vous parler de deux choses très importantes. La raison pour laquelle ils l'ont demandé, parce que je crois que j'ai trop posé des questions au cours de mes méditations, au cours de mes sorties astrales. Je pose beaucoup de questions auprès des maîtres invisibles. Les questions que je me pose sont les suivantes. Pourquoi, avec l'arrivée des religions des Blancs, pourquoi, malgré l'arrivée, le tintamarre de toutes ces religions, nos frères continuent toujours à aller vers les charlatans? Pourquoi il y a une floraison, pour ne pas dire une multitude d'apprentis sorciers, des marabouts, qui continuent toujours à terroriser psychologiquement nos frères et sœurs? Et là, je m'adresse à mon peuple africain. Ils continuent à les terroriser, mais ils sont contents aussi parce qu'ils vont vers eux et puis ils vont dépenser de l'argent. Pourquoi? Si réellement la religion jouait son rôle d'apporter la bonne nouvelle, d'éveiller les consciences des gens, d'éveiller les esprits des gens. Mais malheureusement, on constate, enfin, à cette question, pourquoi? Je n'ai peut-être pas eu de réponse, mais la réponse se trouve dans les deux éléments que je partagerai avec vous ici. Pourquoi? Dans nos pays africains, surtout en Afrique, francophone comme anglophone, il y a une abondance de religions qui florissent. Mais en même temps, ce sont les mêmes gens qui fréquentent les églises, qui fréquentent les religions, qui fréquentent les mosquées. Ce sont ces mêmes gens qui fréquentent encore les temples des sorciers, qui fréquentent les marabouts, qui fréquentent les sorciers et qui contactent certains parmi nous de pouvoir leur donner des gris-gris, de leur donner des fétiches, de leur donner ceci, cela. Alors la question me revient à l'esprit, mais dans ce cas, pourquoi il y a une guerre donc entre les religions et les spirituels? Spirituels, j'entends par là les personnes qui se concentrent beaucoup plus à penser plutôt à eux-mêmes et Dieu. Parce qu'ils ont compris, comme même d'ailleurs les écrits le disent, que l'affaire de Dieu, le salut de Dieu, il est personnel. Donc peut-être qu'il va falloir tisser une relation personnelle avec Dieu et puis ben, voilà, on trouve la solution à nos problèmes. Donc toutes ces questions que je me suis tant posées au cours de mes recherches ont abouti à cette longue méditation d'hier où les maîtres m'ont dit « Voici les deux éléments, voici deux choses que tu aimerais aller transmettre au peuple. » Je vais donc les transmettre. Je ferai de mon mieux et je vais vous autoriser à poser des questions. La première chose qu'ils m'ont révélée, ils m'ont dit que cette chose-là est liée avec la tête, les programmations. C'est vrai que j'ai utilisé les mots programmation, mais eux-mêmes, ils m'ont rappelé encore. Ils m'ont rappelé que tu utilises ce mot tous les jours, mais nous aimerions que tu insistes sur ça. Donc, le premier mot qui va être rattaché à un organe s'appelle les programmations. Ah, tiens, donc les programmations, si je comprends bien, sont responsables des blocages que nous avons. Les programmations, donc, nous empêchent d'atteindre nos objectifs et d'atteindre des buts dans nos vies. Pour ceux qui sont nouveaux, sauf les anciens, ils savent ce que c'est les programmations. C'est une expression que j'utilise depuis près de 30 ans. Les programmations veut dire quoi? Comme le mot programmation vient du mot programme. C'est un ensemble de programmes qu'on vous donne depuis votre naissance, selon votre environnement direct et indirect. Vous grandissez avec ça. On vous les bombarde. On vous les donne. On vous inculque. On vous les impose. Donc, quand on vous impose tout cela, ça reste ancré en vous. Ce qui fait que, au niveau de votre conscient, vous êtes influencé. Même inconsciemment, ça devient comme des systèmes mécaniques. Vous fonctionnez sur ces programmations. Voyez-vous, au niveau de votre subconscient, donc, Le subconscient est totalement influencé. Et vous savez que le subconscient, son rôle, justement, malheureusement, c'est l'un des. C'est un sous-organe de votre cerveau, parce qu'à l'intérieur du cerveau, nous avons tous ces différents endroits-là. Le conscient, l'inconscient, le subconscient, le conscient individuel, le conscient collectif, le conscient subconscientiel, le conscient universel, le conscient exprimé, le subconscient individuel, le subconscient universel. Toutes ces terminologies, s'il vous plaît, je ne veux pas perdre le temps dessus, j'en ai déjà parlé. Si vous voulez, je vais revenir encore vous donner pour vous expliquer le rôle de tous ces différents conscients et subconscients et inconscients. Mais aujourd'hui, il faut retenir que la première chose que nous devons mettre, que je vais pouvoir mettre un peu l'accent avec vous, cette première chose-là s'appelle les programmations ou bien les doctrines ou bien les enseignements hein, ou bien les informations qu'on vous donne. Parce qu'au fur et à mesure que vous grandissez, on vous donne des informations. Votre père et votre mère vous donnent certaines informations utiles pour votre évolution tant dans le plan physique, moral, spirituel et sociétal. N'est-ce pas? Et c'est souvent sous couvert de votre conscient que vous accaparez de ces choses-là. C'est-à-dire que vous encaissez cela dans votre conscient, vous pensez que c'est comme ça qu'il faut marcher. Et inconsciemment, donc vous devenez des robots. Même à l'état, dans le sommeil, vous réagissez selon ces programmations-là. Maintenant, le subconscient. Mais le subconscient enregistre tout. Puisque le subconscient est là pour tout enregistrer, le subconscient est trop sensible aux sollicitations du conscient. Tout ce qu'on vient vous donner à l'état conscient, c'est-à-dire ce qu'on vient vous dicter, que désormais c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut marcher dans la vie, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc ça frappe votre subconscient. Parce que c'est sous couvert du conscient. Ça dépend de celui qui parle. Ça peut être le pasteur, ça peut être la mère, ça peut être le père, ça peut être je ne sais pas qui, un coach. Donc, celui-ci transmet ces informations-là, que moi j'appelle les programmations. Donc, c'est pour ça que je dis les programmations, c'est un ensemble de programmes qu'on vous donne depuis la naissance jusqu'à votre mort. Et vous fonctionnez comme ça. Donc, ces programmations frappent votre conscient. Et ce qui est encore plus grave, c'est que votre subconscient prend un coup. Et comment ça marche? Généralement, ce premier point-là, donc des programmations, ça marche par un, l'observation. Vous observez, vous regardez tout autour de vous, et si vous n'avez pas un bon guide, ou bien un bon pasteur, ou un bon prêtre, ou une bonne mère, ou un bon père, ça va faire quoi? Mais ça va vous influencer. Parce que l'homme fonctionne dans le plan matériel, dans son environnement direct et indirect, par l'observation. Il copie. Donc, l'observation joue son rôle. Maintenant, la deuxième étape, c'est quoi? C'est l'apprentissage. Puisque vous avez observé, maintenant, les programmations qu'on vous a données, les doctrines qu'on vous a imposées, la manière de vivre dont on vous a mouliné, c'est-à-dire on vous a mis le moulin de cette façon de vivre désormais, qu'est-ce que vous faites? Mais vous êtes obligé de rentrer dans cet apprentissage-là. Donc, le mot apprentissage vient du verbe apprendre. Maintenant, vous apprenez. Que ce soit bon ou mauvais, mais vous rentrez dans l'apprentissage. Vous venez à l'école des Blancs, vous apprenez. Donc, là, quand on développe ça, ça devient ce qu'on appelle le colonialisme intellectuel. On vous colonise intellectuellement par des connaissances, soi-disant, des écoles conventionnelles. Parce que, excusez-moi, mes ancêtres à moi n'ont pas eu besoin de l'école conventionnelle des Blancs. Parce que l'homme blanc, quand il arrive chez nous, comme mes frères blancs me pardonnent, hein, je ne suis pas raciste dans ce que je dis, mais malheureusement, c'est la vérité. Quand ils sont arrivés vers le 17e, disons le 15e siècle, ils sont d'abord venus piller, tuer sans explication. Et au niveau du 2e, 3e, disons, je disais, à partir du 17e, 18e siècle, maintenant, ils ont dit soi-disant, surtout le 19e siècle, civilisation. Et ça, je reçois ces paroles-là qui m'énervent d'un prêtre camerounais qui a dit oui, la religion est venu vous civiliser, vous les Africains. Donc ça veut dire qu'on était des sauvages, quoi. Voyez-vous? Donc c'est pour cela que je dis que au niveau donc de cette partie des programmations, à partir de l'apprentissage, donc, il y a une désintellectualisation de votre intellect africain, si vous ne faites pas attention. Donc c'est pour cela que je dis que ce soit bon ou mauvais à partir de l'apprentissage. Maintenant, une fois l'apprentissage a réussi, on a réussi donc à vous imposer, on a réussi à vous donner ce qu'ils veulent, on vous force d'apprendre, maintenant vous passez à quelque chose qui est encore plus grave. Ça s'appelle l'assimilation. L'assimilation est une vieille méthode que nos frères coloniaux ont toujours utilisée, que nos frères envahisseurs ont toujours utilisée. Ici, aux États-Unis, par exemple, c'est l'assimilation qui a permis à nos frères européens, esclavagistes, de pouvoir émailler ou bien égrener leur chapelet des objectifs et des plans, parfois bons, et voire dans le cas machiavélique et démonique, vis-à-vis de nos frères noirs et de nos frères indiens qui habitaient cette terre-ci. Parce que, comme vous le savez, ce sont les Amérindiens qui sont propriétaires ici. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle l'assimilation. Ce qui est malheureux aujourd'hui, si vous venez aux États-Unis, malheureusement, j'ai parfois les larmes qui coulent quand je vais visiter ces frères-là. C'est vrai, j'ai reçu certaines initiations auprès de mes frères indiens, originaires d'ici, ce qu'on appelle les Amérindiens, notamment des Cherokees et les Apaches. J'ai reçu certaines initiations secrètes dans les eaux et tout ça. Donc maintenant, eux, on leur a fait ce qu'on appelle l'assimilation. Donc l'assimilation, c'est quoi? Comme je disais, c'est un programme que le frère blanc a amené et puis il impose sa manière de voir les choses, il impose son mode de vie, il impose son style de compréhension, il impose sa culture, il impose, comment dirais-je, son plan d'accaparation et de récupération ou d'arracher ce qui appartient au propriétaire. Voilà comment moi je comprends le mot assimilation. Est-ce que vous vous retrouvez dans cela? Donc, l'assimilation, c'est le troisième mode opératoire du premier élément qu'on appelle, souvenez-vous, la programmation. Bon, maintenant, après cette assimilation, on aura ce qu'on appelle finalement, probablement l'adaptation. Vous allez donc vous adapter. Vous allez vous adapter sur ces trois étapes-là. Vous avez observé, on vous a fait l'apprentissage. Bon, là, c'est pour ceux qui se sont déplacés ou les déplacés. Mais ceux qui sont restés en Afrique, vous allez rester donc sur l'observation et l'apprentissage. Il y aura aussi l'assimilation. Parce que votre père et votre mère vont également vous imposer certaines idéologies ancestrales. C'est un mode opératoire ancestral, une manière de vivre. Ce qu'on appelle le savoir-vivre. Ça rentre toujours dans la première partie que j'appelle les programmations. D'accord? Et donc, je disais, il y a l'observation, l'apprentissage, l'assimilation, l'adaptation, et enfin, il y a ce qui est plus grave, l'interprétation. Et c'est ça qui nous tue. Voyez-vous comment votre tête va à travers tous ces cycles-là? Vous observez ce que l'homme étranger est venu vous dire et vous acceptez bêtement. Vous rentrez dans l'apprentissage sans avoir un filtre quelconque, sans pourtant filtrer pour savoir si ce qu'on vous donne, si c'est bon ou mauvais, si c'est conforme à votre tradition ou pas. Donc, du coup, vous avez un shutdown même de votre conscience, c'est-à-dire votre conscience intellectuelle africaine. Vous avez le shutdown sur ça. Vous rejetez même la réalité de vos propres valeurs ancestrales. Ceci par quoi? Par l'apprentissage. Maintenant, vous assimilez. On vient vous imposer un nouveau mode de vie. Là, je m'adresse à nos frères qui ont accepté les religions imposées et importées. Maintenant, bien sûr que l'assimilation, elle est là, vous vous adaptez. Parce que l'adaptation n'est pas interdite. Moi, par exemple, j'ai la faculté de m'adapter facilement. Après mes études collégiales, pour ne pas dire au lycée technique, j'ai fait G2. Je pensais faire gestion, mais moi, mon père m'inforçait de vouloir être gendarme. Parce que toute notre famille, là, on est seulement que des militaires. J'ai des parents, des généraux, qui sont généraux, d'autres commandants. J'ai des petits frères. Bon, il y a l'un qui vient de me quitter il y a quelques mois, qui était également à la gendarmerie. Mes oncles, partout, soit on est des administrateurs ou bien des gendarmes. Mais moi, je dis non, il faut changer les données. Bref, je prends cet exemple, c'est par rapport à l'adaptation. Donc, c'est pas tous qui ont la facilité de s'adapter. Les uns s'adaptent difficilement, mais moi, par contre, je m'adapte facilement. La preuve, ceux qui connaissent mon histoire aux États-Unis, j'ai fait près de 7 à 8 métiers. J'ai un certificat de plombier, je suis allé à dans ce qu'on appelle le local college, le community college. C'est une forme d'université pour sanctionner par 3 ans. J'ai également un diplôme en soudure électromagnétique, soudure automatique, parce qu'ils ont deux formes. Les automatiques qui marchent par système ordinateur, assisté par commande informatique. Ça, là, j'ai appris ça ici. J'ai bossé pendant près de 7-8 ans. C'est comme ça que je me suis coupé ce doigt-ci. Bref, l'adaptation. Donc, l'adaptation n'est pas mauvaise en soi. Mais dans le cas de figure ici, il s'agit d'une adaptation négative. Vous vous adaptez par rapport à une assimilation imposée. Et donc, c'est de là où intervient l'interprétation. Cette interprétation donc va vous amener désormais à marcher dans l'embryonomie totale. Ce qui explique pourquoi il y a des divisions au sein d'une même religion, mais il y a des divisions et des sectes qui se créent. C'est l'interprétation. Est-ce que vous vous retrouvez? L'apôtre Paul, le fondateur du christianisme, pardonnez-moi, là je vais quand même me référer à ma veste d'ancien pasteur et ancien témoin de Jéhovah pendant 18 ans en tant que pionnier permanent, donc prédicateur à plein temps. Ben, l'apôtre Paul, justement, a fait la guerre sectaire. Il a parlé de ça aux Corinthiens, il a parlé de ça aux Colossiens, il a parlé de ça à Galates, aux Éphésiens et aux Philippiens, les habitants de Philippe. Donc, il y a eu un conflit, pourquoi? Parce que chacun commençait à interpréter l'enseignement de leur Christ à sa façon. Donc, ça, l'interprétation également est un problème au niveau des chenoux en Afrique. Que ce soit dans la loi religieuse, que ce soit dans le système, pardonnez-moi, politique. C'est ce qui explique pourquoi il y a certaines entités politiques qui décident de modifier les constitutions. C'est l'interprétation. Mais donc, l'interprétation a pour but ici à amener de nouvelles valeurs selon votre vision et selon votre vue. Je répète, l'interprétation, que ce soit de la loi, que ce soit des principes importés ou des religions importées, que ce soit de l'idéologie ou de la politique, c'est simplement dans le but de pouvoir faire valoir vos valeurs à vous et vos goûts à vous et vos préceptes à vous et votre manière de voir les choses. Et c'est là où il y a le danger derrière l'interprétation. Donc, voyez-vous tous ces cycles? Maintenant, tous ces éléments que je viens de vous mentionner font partie du sous-chapitre qu'on appelle programmation. Il faut comprendre cela. Donc, la programmation est l'un des éléments importants qui fait en sorte que vous ayez des échecs dans votre vie. Pourquoi? Parce que cela ne naît pas de vous. Mais on vous a imposé tout cela. Que ce soit dans le domaine intellectuel, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine religieux. La religion n'a pas existé aujourd'hui. Nos ancêtres ont amené leur vieille religion, mais aujourd'hui, les Kémites et d'autres personnes, c'est un débat controversé. Il y a des gens qui ne veulent pas admettre que nos rites traditionnels, ce sont nos vieilles religions. Parce que religion est un moyen par lequel on cherche à se relier au Dieu ou aux divinités, aux Elohim ou à Dieu. Bon, maintenant, on a compris, quand j'ai fait études comparées ici à l'université de Circleville Christian University, eh bien, j'ai compris que finalement, là, il y a un autre problème. Bref, voilà ce qui est de la programmation. Et la programmation de tout ceci est liée à quel organe? Ben, c'est lié à l'organe qu'on appelle la tête, le cerveau. Le cerveau est un organe composé de milliards de cellules et composé de plus de 11 milliards de tissus. Ces tissus constituent et forment d'abord tout part des cellules. Et ces cellules qui sont enrobées par plusieurs milliers de tissus et des tissus qui, dans leur ensemble, constituent des millions de tissus combinés avec les cellules, car la cellule est l'origine de tout, et bien c'est là où on trouve l'organe. Donc le cerveau à lui seul subit tout ce que je venais de vous dire. Le cerveau donc subit les mouvements conscients, les mouvements inconscients, les mouvements subconscients, subit les observations, les apprentissages, les assimilations. On vous force de croire ou de ne pas croire. Des adaptations de tout genre, surtout les assimilations, nous entraînent à des interprétations qui peuvent vous entraîner à vous embrouiller, à vous calboigner. Tout cela se passe au niveau de votre tête. Mais quand on dit votre tête, c'est le cerveau. Donc, le premier organe qu'il faut bien ici comprendre que lorsque votre organe, qu'on appelle le cerveau, qui est composé de plusieurs autres éléments, je ne vais pas rentrer dans cela, je connais, je fais un peu quand même des cours de médecine, mais également à cause de mes diplômes en parapsychologie, on nous oblige à connaître comment est composé le cerveau, surtout dans le phénomène, vous le savez très bien, voilà, on me l'a demandé là, les Américains me l'ont demandé, voilà, j'ai un diplôme d'hypnotiseur de spectacle, voilà. Voilà mon diplôme. Hein. Je l'ai eu en France et par monsieur Bernard Lancelot, qui est connu à Montpellier, il était un hypnotiseur de spectacle. Donc c'est pour cela qu'il est important de connaître le cerveau dans son entièreté. Donc l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite, ça c'est des bases que tout le monde devait connaître en matière de cerveau. Il y a ce qu'on appelle le thalamus, il y a ce qu'on appelle l'hypothalamus, il y a ce qu'on appelle la troisième ventricule, il y a ce qu'on appelle l'épiphyse. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est l'épiphyse. L'épiphyse est située justement au centre de mes deux yeux, ce qu'on appelle communément le troisième œil. Alors, c'est lui qui subit tout, malheureusement. Mais pourquoi? Mais parce que c'est là où justement le siège de notre âme. Notre âme, son siège se trouve là, et il prend sa fonctionnalité à partir du deuxième organe que nous allons maintenant entamer sur le deuxième élément. Maintenant, on va passer au deuxième élément. J'espère que vous êtes tous d'accord avec moi à partir de ce que je viens de vous exposer sur le premier élément qui est lié avec notre organe qu'on appelle la tête. Parce que on nous a fait des lavages de cerveau, ou bien on nous fait un redressage de cerveau, ou bien on nous fait des assimilations de notre cerveau, ou bien on nous oblige à avoir des interprétations bizarres au niveau de notre cerveau. Donc c'est le cerveau qui jugule, qui contrôle, qui doit s'occuper de tout le reste. Et n'oubliez pas que le cerveau est l'un des organes maîtresses qui vous pousse à prendre de bonnes décisions ou de mauvaises décisions. Et malheureusement, c'est ça qui peut bloquer votre vie. Vous voyez? Donc, au niveau déjà de votre tête, il y a beaucoup à dire. Mais je vais enchaîner maintenant au deuxième élément. Le deuxième élément, donc le premier élément, je disais, c'est plutôt ce que j'ai appelé la programmation. Maintenant, le deuxième élément, c'est quoi? Le deuxième élément, j'appelle ça le double. Je m'explique. Le réveil de votre double. Le deuxième élément qu'on a tant tendance à négliger, c'est celui-là qu'on appelle le double de soi. Chacun de nous a un double. Mais les gens négligent le réveil de ce double. En réalité, ce double, on le néglige au fur et à mesure qu'on vieillit et qu'on grandit. On vieillit, c'est-à-dire qu'on prend de l'âge. Mais lorsque nous étions bébés, c'est ce double qui avait beaucoup plus de pouvoir que la matière. Lorsque nous étions dans le ventre de notre mère, c'est ce double qu'on appelle en fait l'être incarné ou désincarné. Il s'est désincarné par rapport à l'espace et au temps et il attendait le moment approprié pour pouvoir s'incarner dans un corps nouveau. C'est celui-là qu'on appelle le double. Mais ce double, c'est l'esprit original. Rappelez-vous que depuis le début, je vous ai toujours enseigné et j'ai toujours dit ceci, que nous sommes esprit. Je vous parle en tant qu'esprit. Je ne vous parle pas en tant que monsieur Onu Viemoré. Et là, je vous parle en tant qu'esprit. Je m'exprime à travers ce corps physique que vous voyez. Mais ce corps physique prend la forme qui est orientée par mon esprit. Maintenant, si je suis trop bombardé par ces programmations qui ont affecté mon cerveau et ma tête, ben vous verrez que si ma tête est déséquilibrée ou vit dans des assimilations et dans des programmations et des interprétations et des doctrines et des programmations confuses, eh bien, imaginez-vous, soit je vivrai dans une soi-disant joie ou bonheur, mais qui est fictif. Un bonheur fictif, pourquoi? Parce que pourtant je vais crier tous les jours Alléluia, je vais chez des marabouts à gauche, à droite, mais ma vie n'évolue point. Mais ce visage de cet homme que vous voyez à peine la soixantaine, et peut-être plus, vous ne savez pas, il brille de lumière et de jeunesse, mais cela est le résultat de l'esprit qui est en lui. Donc, c'est très important que sur ce deuxième aspect du double, il faut comprendre que ce double, c'est vous en tant qu'être divin, c'est vous en tant qu'esprit. Esprit, vous l'êtes. À l'image de Dieu, vous avez été créé, et après cette création, après ce reflet de l'image de Dieu que vous êtes, par la volonté des Elohim ou des dieux ou de l'esprit original et fondamental de qui nous tirons l'essence, nous devenons finalement la ressemblance de Dieu. Donc, étant ressemblant de Dieu, nous partons de mutation en mutation incarnatoire. De mutation incarnatoire veut dire que d'incarnation en incarnation, on se réincarne et on désincarne et on rentre dans ce corps matériel. Lequel corps matériel est préparé, c'est pour cela que je dis que jusqu'à 9 mois avant l'accouchement, l'avortement n'est pas un crime en tant que tel aux yeux de Dieu, mais aux yeux des humains, oui, parce qu'on dit qu'il y a déjà une vie. Mais il y a une vie, mais certes, il n'y a pas encore vitalité et il n'y a pas encore être-té exprimé. Car l'expression de l'être-té, c'est-à-dire être humain, s'opère à partir du moment où l'enfant sort et lance le cri, et au moment où l'enfant lance ce cri, c'est là où l'âme désincarnée intègre automatiquement ce corps matériel. Mais l'âme ne rentre pas dans le ventre de la mère parce qu'un corps physique ne peut pas entretenir deux âmes. Dieu nous a créés à son image, nous sommes une âme désincarnée, unique en soi. Chacun de nous est unique avec ses propres empreintes digitales, identitaires, uniques à nous-mêmes. Donc, la théorie selon laquelle la personne s'est déjà incarnée dans le ventre de la dame pendant qu'elle est en grossesse, non. Mais il y a une prédisposition, c'est-à-dire qu'il y a déjà quelqu'un qui a été assigné, désigné, par le conseil des ancêtres, par le conseil des maîtres visibles, que c'est vous qui êtes désigné. Et la personne attend. La personne attend donc au 9e mois, ou le cas comme nous autres qui avons passé 12 mois dans le ventre de la mère, eh bien, j'ai patienté. Parce qu'il y avait trop de problèmes entre mon père et ma mère. J'attendais. La pauvre, elle a dû courir à gauche, à droite pendant combien d'années? À l'âge de 44 ans pour finalement m'accoucher. Donc, pendant cette période d'observation, j'ai été assigné déjà par mes ancêtres, que je ne vais pas citer les noms. Ils m'ont dit cela. Les maîtres invisibles m'ont assigné que c'est cette dame-là. Ntsabung Nding, c'est elle qui va vous porter. Alors Ntsabung Nding a attendu 11 mois et demi, au 12e mois, je suis sorti. Bien sûr que j'ai été traité de fibromes à partir de 7-8 mois, parce que je disparaissais, je revenais, je disparaissais, le ventre gonflait, ça disparaissait. Bref, en d'autres termes, je suis esprit. Je suis un être divin. Je suis le ressemblant de Dieu. Je suis le ressemblant de l'être fondamental, énergétique, original. Donc, c'est très important de retenir sur ce deuxième élément qu'on appelle le double. Mais ce double, je disais que ce double perd de sa polarité et de son efficacité en fonction justement du premier élément, en fonction des programmations, des assimilations, des doctrines et autres intimidations et interprétations quelconques par une déviation de votre conscience originale et vous faire affecter par une conscience étrangère, par des programmations imposées. Deuxième élément, j'insiste, c'est le double. Donc, ce double que je peux appeler Dieu en vous, ce double, en fait, on l'a tellement piétiné, on l'a tellement ignoré. C'est-à-dire que normalement, dès le 9e mois, pour tout enfant normal, mais moi, 12e mois, quand je suis arrivé, ma mère, connaissant l'origine là où elle est allée me chercher, elle est allée fréquenter les plus grands charlatans du monde, y compris ma propre grand-mère. Et c'est elle qui, lorsque à 5 mois, je menaçais de sortir, j'avais dit, je ne veux plus entendre parler de ce couple, je ne veux plus vivre dans ce milieu-là. Laissez-moi partir. Ma grand-mère, je ne vais pas citer son nom, elle, experte de sang benga, de sang sibébé, sacré par les pouvoirs qu'elle avait, de ses initiations qu'elle avait, elle a décidé, elle m'a dit, non, amoureux nous bien. Retourne. Reste avec nous. On en aura besoin de toi un jour. Alors, c'est elle qui imposera. Finalement, ma mère qui perdait tout ce sang par miracle, c'est à 12 mois que je vais. Mais là, quand j'arrive à 12 mois, ma mère, connaissant donc mon histoire complexe et compliquée, elle-même étant initiée dans près de 13 milieux initiatiques, Mikwelengi, Bilombu, Nyembi et toutes ces histoires-là qu'elle faisait, alors elle était bien préparée. Elle m'a préparé. Et mon père, donc, quand je l'avais l'âge de trois semaines, mon père, en sortant des missions de là où il était à la FPF, au Cap Lopez de Port-Gentil, va faire un voyage hélico obligatoire, lui-même initié du Bouiti et surtout de l'Okuyi, va aussi venir faire un rite à ce nouvel être qui vous parle. Ceci pourquoi? Mais parce que le double, mon esprit était encore tout fort et tout frais et est toujours fort. C'était le moment de pouvoir préparer cet esprit. Ma mère a fait et mon père a fait et ils ont fait ensemble. La suite, je ne vais pas vous dire, c'est qu'on m'a fait à partir de l'âge de 7 ans, dès l'âge de 9 ans, mon grand-père qui m'a introduit dans des rites, c'est pour cela que je vous parle de 1974, et ainsi de suite à l'âge de 11 ans, jusqu'à ce jour, j'ai gardé ce double bien, bien ancré dans l'arcane, pour ne pas dire, regardez ce double en connexion avec le cordon original. Donc, le réveil de votre double qui est Dieu en vous, les ressemblances de Dieu qui est en vous, est souvent menacé, est souvent victime de beaucoup de choses. D'accord? Ce réveil, donc, fait en sorte que lorsque votre double à vous, c'est-à-dire que lorsque votre âme n'a pas eu ce qu'on appelle la conscience éveillée, vous serez toujours victime des empoisonnements spirituels. Vous serez toujours victime des manipulations. Vous ne serez pas à l'abri des attaques des sorciers. Vous ne serez pas à l'abri des échecs. Votre bonheur à vous, il sera difficile de pouvoir atteindre réellement ce que vous désirez. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Parce que votre double, vous le négligez. Même dans certaines religions, on vous dira de parler de ça, c'est diabolique. Là où j'ai été chez les témoins de Jéhovah, on vous dit non, il ne faut même pas parler de ça, il ne faut pas créer cette distinction. Ils font la confusion pour dire que l'âme c'est vous, vous êtes l'âme, donc toute une confusion. Ils ne font pas le distinguo ou la dissection. La dissection qui consiste à comprendre que nous sommes composés en trois. L'homme a une triceplée. L'homme a une triplicité expressive. Tout comme Dieu. Les catholiques n'ont pas tort quand ils parlent de leur Trinité, mais il ne s'agit pas de la Trinité selon leur compréhension. Dieu, le Père, la Mère et l'Esprit. Le Père, la Mère et vous en tant qu'Esprit, ça fait trois. Donc le Père, la Mère et le Fils, vous constituez le triangle de l'existentialité et de l'expression véritable, manifeste et manifeste, oui. Le mot manifestative, je ne sais pas où est-ce que ça vient, mais manifeste de Dieu, de l'énergie fondamentale. Voilà le triangle. Ce triangle est également vous. Il y a ce corps matériel grossier que vous voyez. Il y a également, à l'intérieur de ce corps matériel que vous voyez, il y a un autre corps principal. C'est ce corps qu'on appelle le double. Ce double, pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est lui, la copie originale. C'est celui qui a été insufflé dans les narines de l'homme. C'est celui qu'on a mis en nous. C'est celui qui nous donne toutes les capacités et tous les pouvoirs. C'est celui que le sorcier manipule. C'est celui que le marabout manipule. C'est celui, lorsque quelqu'un va vous dire, votre étoile, mon fils, on a pris votre étoile. Mais votre étoile, c'est ce double-là. Mais ce double est enfoui et endormi. Malheureusement, il s'endort en vous. Il n'est pas mort, non. Sinon, auquel cas, ça ressemblerait à ce que Jésus avait dit à ses disciples, laissez les morts entrer leurs propres morts. Effectivement, les religieux qui ne vous permettent pas de réveiller votre double, ne vous permettent pas d'être un avec votre double, d'être toujours en contact permanent avec votre double, d'exprimer votre divinité à partir de votre intérieur et non à partir de l'extérieur. Ce sont des criminels. Pourquoi ils sont des criminels? Parce qu'ils veulent profiter par l'élément numéro un, par les programmations. Par ces programmations ou les doctrines, ils veulent vous en imposer des croyances étrangères au profit de leur propre doctrine, au profit de leur propre plan diabolique. Soyons honnêtes. Les religions imposées et importé. Quel est leur plan? Je m'en souviens, en l'an 310 d'abord, il y a eu une religion, il y a eu une grande réunion de tous les empires, de tous les empereurs romains, que ce soit ceux qui étaient retraités, que ce soit ceux qui étaient vivants, et même ceux qui étaient morts, parce qu'ils ont des rites, comment convoquer ces entités-là, avec tous les gouverneurs, que ce soit des gouverneurs de la zone de la Galilée, de la longue zone d'Alexandrie, tous ces mecs-là se sont retrouvés en l'an 310. Et en 325, ils ont dit « enough is enough ». On a marre, nous allons maintenant arrêter ce que nous allons arrêter. Et ils ont appelé cela religion d'État. Selon les fonds latins qui sont là, qui existent, dont j'ai accès, ils déclarent bien le plan qu'ils avaient. Religion d'État. S'accaparer de toutes les richesses du monde. Et de proclamer sur toute la planète qu'eux, ils ont un nouveau Jésus, un nouveau Dieu sauveur incarné qui s'appelle Jésus. Ce n'était pas quelqu'un d'autre, ce n'était pas Paul. C'était l'empereur Constantin le Grand. Albert Ier, Albert IIe, tous ces mecs, ils ont parlé de ça. Africanus, celui qui est de qui à partir de qui duquel on a donné le nom Africa. Afrique, ce sont tous ces mecs-là qui avaient ce projet. Donc, voyez-vous que votre double reste étouffé à cause de toutes ces programmations. De toutes ces programmations, voulais-je dire. Je vais résumer sur ce. Quelles sont donc les deux choses liées avec deux organes? Si vous voulez poser la question d'une autre manière, en fait, quelles sont les deux choses qui contribuent ou quels sont les deux éléments en fait qui m'empêchent d'évoluer? Programmation et le fait d'étouffer mon double. Le fait de ne pas prendre conscience de ma divinité. Mais parce que tant que vous ne prendrez pas conscience de vos divinités, la preuve en est qu'à l'église, on vous étouffe, on vous dira que c'est diabolique, on n'a pas le droit de se développer soi-même, on n'a pas le droit de lire les livres de psychologie, on n'a pas le droit de lire les livres de développement de soi, on n'a pas le droit de faire parapsychologie, l'étude du paranormal, c'est diabolique, on n'a pas le droit de faire l'étude de la magie. Mais la magie, c'est quoi? Mais mon Dieu, prenez même le dictionnaire. Ils ont préféré donner une définition vraiment noble au mot magie et donner une définition diabolique à la sorcellerie. Et le mot sorcier a été inventé par qui, en fait? Donc, la magie, c'est tout simplement la maîtrise de la vie. La magie, c'est la prêtrise, l'excellence, le contrôle, l'application ou la mise en application. C'est d'abord la grande connaissance. La magie, c'est la connaissance connaissante. La connaissance transcendantale qui vous transcende et qui vous transforme. C'est ça, la magie. Et c'est la mise en application des simples principes et des lois immuables sous couvert de quatre éléments que Teta Mwanga nous a donnés. L'élément R, il y a des magies à travers l'élément R. On appelle ça la magie des conjurations et la magie des prononciations des bénédictions. Je peux prononcer des bénédictions sur un individu. Ma mère l'a fait sur moi. Mon père l'a fait sur moi. Voilà pourquoi mon double, quelles que soient les bricoles que les gens peuvent faire, j'ai été victime de plusieurs attaques depuis que je parle au public, même pendant que j'étais encore jeune. J'ai échappé à la mort plusieurs fois. J'étais dans le coma plus de deux fois. Mais tant que mon double a été préparé sous couvert de l'élément R, de par ma mère et mon père, ils ont fait ce rite ancestral. Et mes grands-parents encore ont ajouté l'élément feu. Il y a la magie des éléments feu. C'est la magie invocatoire de la convocation des entités de l'au-delà. Voilà pourquoi on vous dit, Franz Bardon, dans le livre de Monsieur Messager, là qu'on appelle La Lumière sur le Royaume. Oh, je vous annonce que ce livre-là maintenant est en anglais. For those who live in America, for those who live in England, please. The light of the kingdom is now possible. La Lumière sur le Royaume is now, there is a new version now in English. So they worked so hard for the last 30 years to have that version in English now. My gosh, this is a practical tool you can use for your magical practices. The magical practices means the very simple and basic rituals you can do on your own. You don't need no magician. You don't need no talismanic power whatsoever it is. You don't need to call or to, you know what I'm saying? It's very basic. So La Lumière sur le Royaume est maintenant disponible en langue anglaise. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je l'ai déjà proposé à beaucoup d'Américains ici. Je crois qu'il y a près de 150 qui ont lancé leur commande. Lui, dans ce livre, qu'est-ce qu'il dit? Mais il explique clairement ce que c'est la magie. C'est tout simplement la mise en application des lois naturelles et surnaturelles en utilisant les éléments de la nature. L'élément feu représenté par la bougie, l'élément eau représenté par l'eau, l'élément air représenté par des gestes que vous faites, des symboles, et il y a des rituels où vous êtes obligé de souffler. L'élément feu, représenté par beaucoup d'éléments. L'élément terre, représenté par certains éléments, des crânes. Je ne vais pas vous montrer mes crânes qui travaillent avec moi. Mais tout cela est du domaine de vous en tant que divinité. Si votre double est désormais éveillé, ben vous n'aurez pas peur de manipuler tout cela. Voilà pourquoi on nous dit que la magie n'est pas du domaine des peureux. C'est la religion qui est venue nous inculquer que la magie est diabolique. La magie, retenez bien le mot magie, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas pour aller tuer quelqu'un, ce n'est pas des démons. Même Dieu fonctionne dans le monde de la magie. Même la prière est un acte magique. Vous mettez à genoux notre Père qui est dans les cieux, mère. Père, Jésus, dans Jean chapitre 4, le verset 24 jusqu'au verset 25, il dit quoi? Les véritables adorateurs que Dieu cherche, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais comment on peut prier Dieu en esprit? C'est ça le problème. Mais c'est magique. Mais je l'explique que c'est sous couvert de vos ondes cérébrales, les ondes cérébrales qui fonctionnent sur θ et delta. Mais ces ondes-là, il faut les développer. Il faut les mettre en marche. Mais c'est sous couvert de la magie, c'est sous couvert de la parapsychologie, l'étude du paranormal. On vous apprend comment ça fonctionne. Je l'ai appris dès l'âge de 19 ans à mettre cela en marche. J'ai maintenant aujourd'hui la capacité de communiquer avec les entités de l'au-delà. Voilà pourquoi je prends 3 à 4 jours dans la semaine, je ne parle pas du tout. Je passe le temps à parler avec eux, je parle avec des êtres qui habitent des extraterrestres, je parle avec des anges, en esprit. Mais c'est Jésus, non, votre type là qui a dit ça. Même le prophète Mohammed, il l'a dit. Alhamdulillah, il l'a dit. Il l'a. Dieu n'a pas d'associé ni d'association. On n'a pas le droit d'associer Dieu à une statuette ou à qui que ce soit. Vous le priez simplement en esprit. Voilà ce qu'on appelle prier Dieu en esprit. Vous ne le voyez pas. Mais pourquoi vous voulez maintenant le prier sous couvert de cris, n'importe quoi, parler n'importe comment? Qui vous l'a dit? C'est vrai que la base, on me demande de crier comme des fous, mais en réalité, on le prie en esprit. Donc, dans le silence. Là, je viens de le prier en esprit. Je viens de dire des paroles de bénédiction sur vous. Mais je ne peux pas vous dire. Rassurez-vous, je ne vous fais pas du mal. Je suis au niveau, je ne veux plus me réincarner, moi. J'attends l'immortalité. C'est ça mon objectif. Donc, les paroles que je viens de prononcer en esprit, je vous ai connecté avec les Grégoire. Je vous ai connecté avec celui que vous appelez Dieu. Je vous ai connecté avec lui. Vous devez recevoir normalement une lumière fraîche sur votre cerveau, là. Vous devez le sentir à l'instant. Vous devez recevoir ça. Ça n'a rien de ce n'est pas de l'hypnose, ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas une question de foi, mais c'est le pouvoir du verbe. Au commencement était le verbe. Ce verbe était avec Dieu, et ce verbe était Dieu, et ce verbe se matérialisa, il vint au milieu des hommes, et ce verbe amena finalement quoi? La lumière. Mais comme les humains ont peur de la lumière, ils préfèrent vivre dans les ténèbres, alors ils se cachèrent car le pouvoir qui était de ce verbe-là, derrière la lumière, devait les terroriser. Voilà pour le pouvoir. Bref, donc, mais conclure que vous, en tant qu'homme, femme, homme, vous qui me regardez, vous pouvez avoir les diplômes, vous pouvez avoir 10 000 diplômes, mais tant que votre, qu'on appelle ça, tant que votre double, c'est-à-dire que tant que votre âme, votre esprit n'a pas été exercé, et pour que, comment cet esprit s'exerce? Mais c'est par la prise de conscience d'abord ancestrale, c'est par vos parents, vous ne voulez pas entendre moi ancestral, vous ne voulez pas entendre Mourite, parce que votre conscient collectif est influencé par les programmations, élément numéro un. Et ces programmations donc ont influencé vos cerveaux. Donc, du coup, vous perdez le sens du raisonnement. Et comme vous avez perdu le sens du raisonnement, vous fonctionnez maintenant comme des robots. C'est-à-dire de manière inconsciente. Pourquoi? Parce que votre conscience est influencée par des dogmes, des doctrines, des religions imposées et importées, et vous refusez la réalité quand on vous dit que ces religions-là, c'était un appât qui était utilisé par nos frères pour venir s'accaparer de nos richesses, et vous le voyez sous vos yeux, et vous vous entêtez de refuser. Vous le voyez sous vos yeux, mon Dieu. C'est ça le rôle de la religion. La religion est venue, ça m'a volé nos richesses. Ça n'a rien à voir avec éveiller nos âmes. Voilà pourquoi vous avez des problèmes. Voilà pourquoi vous continuez à fréquenter les marabouts. Imaginez-vous que nos religions, qui sont nos frères qui sont dans les églises, savez-vous que ce sont les plus grands clients des marabouts? Moi, combien d'appels je reçois par jour, mon Dieu? Combien d'invitations? Combien de fois les gens me contactent? À beau leur dire, je ne suis pas un ganga. À beau leur dire, oui, c'est vrai, je travaille, j'ai deux boulots. Mais quand, pouvez-vous imaginer, heureusement je connais le secret de pouvoir rester même une semaine sans sommeil, parce que Dieu ne dort pas. Et vous verrez, mon visage est toujours frais. Là, j'ai bossé pendant 16 heures. Est-ce que vous voyez un signe de fatigue sur mon visage? Les plus grands clients qui vont chez les magiciens, qui demandent des règles des femmes, tiens, je vous en parlerai tout à l'heure, qui demandent des histoires du sang. On vous donne maintenant des recettes bizarres. Oh, mélangez le sang avec ceci, mélangez le sang avec le sel, oh, mélangez avec l'eau, oh, buvez, oh, coupez-vous le doigt, oh, tranchez-vous le nez, oh, oh, ceci, oh. Et puis vous demandez pourquoi le reste de votre vie, vous n'avez pas de mari. Moi, j'ai vu des jeunes filles au lycée, elles se sont coupées, mélangez le sang avec l'autre gars. Vous ne savez pas que c'est des pactes que vous signez comme ça, bêtement? Et ces pactes-là vont vous bloquer vos esprits malgré le nombre de délivrances que vous allez avoir auprès des églises. Jésus n'est pas là pour vous parler de ça. Hein? La Bible va vous prévenir que ce n'est pas bon. Arrêtez de jouer avec le sang. Le sang était réservé. Les seules personnes qui étaient réservées à manipuler le sang, ce sont les prêtres. Ce sont les initiés. Et c'est d'ailleurs ceux-là qu'on appelait les véritables mages. Ou magicien au sens préjoratif, parce que le mot magie ça devient du préjoratif. Je remercie la personne qui vient de le dire. La magie, c'est exprimer son être-té. Je suis un magicien, je suis un mage, donc je suis. Moussarou, lorsqu'il rencontre Dieu là-bas dans le bûcher du feu, Dieu lui demande, à Teta Mwanga, dit, toi, t'es qui d'abord? Toi, moi, je vais parler aux gens là comment? Va leur dire que je me révélerai être ce que je me révélerai être a dit. Va leur dire, je suis ce que je suis, m'a parlé. Est-ce que vous comprenez? Je suis ce que je suis. Est-ce que vous comprenez ça? Chers frères et sœurs, voilà la conclusion de mon enseignement. Aujourd'hui, si vos vies sont bloquées, si vous êtes toujours là, malgré le fait que vous allez dans les églises, malgré le fait que vous partez dans des religions, criez comme des fous, mais malheureusement, vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Vous partez encore fréquenter les gangas, vous partez encore fréquenter... Écoutez, je ne suis pas contre les gangas, moi-même, j'en suis un. Un ganga, c'est un guérisseur. J'ai tout un sac, là. Voilà un sac rempli de tous les médicaments, là, comme envoyé du Gabon. Voilà, c'est là. Voilà le gros sac. Tout est plein là-dedans. Des plantes, des ceci et cela, y compris l'iboga. C'est ça le rôle d'un ganga. Vous fréquentez des marabouts et tous ces mecs-là qui sont en train de vous voler des millions. Et quand je vois certaines personnes, je lui demande seulement une affaire de 250 ou bien de 300 dollars seulement pour décanter une situation. Oh, mais vraiment, maître, vous voulez négocier avec moi. Mais en tant que les marabouts vous demandent des millions, vous allez vous endetter. Et vos problèmes ne sont jamais résolus. Parce que ce sont des vendeurs d'illusions. Ce sont des mercenaires de l'occultisme. Bref, l'objectif n'était pas de venir faire la guerre à mes frères. Je les respecte tous. Ils sont tous, ils contribuent tous, il paraît, à la lumière divine. Bon, moi. Je ne serai pas contre eux. Mais moi, ce que je suis contre, c'est le fait que vous refusez de reconnaître que votre tête subit des attaques sous couvert des religions imposées et importées. La preuve en est que vous continuez à commettre des adultères, vous continuez à mentir, vous continuez à faire de la politique. Alors que ces religions-là, dans leur livre 5 qu'ils utilisent, qu'on appelle la Bible, vous dit bien que la politique, c'est de l'adultère. Et les gens qui dirigent dans certains milieux, les gens qui sont des chefs, que ce soit président, ministre ou directeur général, vous continuez à pédophiler les gens en tant que vous avez la Bible sous la main. Vous partez tout le temps dire Alléluia. Vous comprenez de quoi je parle? Voilà pourquoi je vous dis que ces programmations-là vous ont tocardé. Ces programmations vous rendent des êtres inconscients. Vous êtes devenus des robots. Vous ne fonctionnez plus sur la réalité originale en accord avec votre double. Voilà pourquoi j'ai mis cet enseignement dans l'ordre. Je ne me suis pas préparé là. Mais mes gens-là, l'ont mis dans l'ordre. Ils m'ont dit, non, parle d'abord de la tête. Parce que c'est de la tête pour que le cœur là-bas reçoive la paix. Si votre tête est calboignée, mais comment voulez-vous que le cœur reçoive? Donc le deuxième organe là, c'est le cœur. Je crois que je vous l'ai dit. C'est au niveau du cœur, la correspondance de votre double. Le double, votre double, c'est le cœur. Voilà l'organe. Quand vous allez réussir à harmoniser votre cœur d'avec votre cerveau, alors votre cas, votre double se mettra en marche. Je répète, quand vous allez réussir à mettre en marche cette harmonisation ou l'harmonie entre votre cœur et votre tête, eh bien, tout est en marche. C'est là où le cas se réveille. Pourquoi? Parce que votre âme, le double, votre... L'existentialité de votre double, le siège, c'est au niveau de l'épiphyse qui est en connexion à votre cœur. Parce que c'est le cœur qui parle. Mais c'est la tête qui, soi-disant, réfléchit, qui pense. Mais quand vous pensez, qui vous demande de pousser à l'action? Ne dit-on pas qu'il y a une petite voix qui vous parle. Mais cette voix vous parle d'où? La voix ne vous parle pas dans la tête. Elle vous parle ici. Détrompez-vous. C'est là où il y a une confusion, la communication entre votre cerveau et votre cœur. Ce sont les deux éléments clés. Lorsque vous allez les maîtriser, et pour les maîtriser, il faut faire quoi? Je vous propose la solution. Il vous faut rentrer dans l'école de la connaissance, de l'éveil de votre double. Votre double, c'est la divinité. C'est Dieu qui est en vous. C'est Dieu qui sommeille en vous. Dieu vous fait appel. Mais Dieu ne vous fait pas appel à aller s'agiter comme des fous sous des techniques hypnotigènes, sous des techniques de spectacle, du dombolo ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à foutre. Car il est écrit quelque part, Dieu, les véritables adorateurs que Dieu cherche, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit veut dire par pouvoir télépathique et télépsychique. Vous communiquez avec ces entités de l'au-delà qui, dont vous n'avez pas besoin du verbe. Et de deux, tout simplement, harmonisez votre vie avec les préceptes ou les principes, autant pour moi. Harmonisez votre vie, c'est-à-dire mettez de l'ordre dans votre vie. Parce que vous êtes trop hypocrite. Oui, oui, oui, je sais de quoi je parle. Moi-même, je l'étais. Pendant 18 ans, témoin, je vois, j'allais prêcher à gauche, à droite. Mais qu'est-ce qui m'a fait partir de là? Mais c'est l'hypocrisie, parce qu'il y a une sœur qui m'a demandé de forniquer avec elle pendant qu'on était en prédication. Oh, personne, les frères ne sauront pas. Et c'est de là où j'ai déposé ma démission. Que Dieu ait son âme. Hein. J'ai appris qu'elle nous a quittés. Vous voyez? L'hypocrisie. Et vous faites trop d'hypocrisie dans ces églises. Vous faites trop du banditisme là-bas. De nuit, vous partez voir les charlatans. De nuit, vous trichez votre mari. De nuit, vous trichez votre femme. Vous voyez? Vous faites des fausses promesses. Donc, voilà pourquoi je fais la guerre, une guerre amicale, des friendly war, auprès de mes frères. Qu'ils se concentrent sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est votre double. Et pour que votre double, là, se réveille, ça prend du temps. Ce n'est pas en un jour. Mais quand même, faites des efforts, branchez-vous. Sous couvert l'initiation douce que je mets en place, bon, vous trouvez que c'est trop dur, mais essayez-en. Et ensuite, l'initiation forte. Initiez-vous. Allez-y, ne fût-ce que manger le bois sacré. Si vous ne voulez pas aller bouger les fesses tous les samedis parce que vous avez honte, mais allez-y seulement manger le bois sacré. Ou bien allez-y prendre la plante amère. Des Américains, ceux qui sont avec moi ici aux États-Unis savent de quoi je parle. Ou bien, allez-y prendre la dose du chanvre indien, le cannabis, avec deux épées et deux bougies allumées auprès de mes frères de la Macumba. Vous allez voir les grands mystères de la vie. C'est ça ce qu'on appelle les initiations fortes, qui vous permet de vous découvrir qui vous êtes. Allez-y dans l'onjobi. Vous verrez que votre cas vous attend, votre double vous attend. C'est ce double-là en réalité qui est Dieu exprimé en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller crier là-bas. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'extérieur. Père, je te prie de veiller sur ceux-là qui croiront en moi, non pas ceux qui sont à côté de moi. Parce que ceux qui en sont là, ils ont compris le secret. Fais en sorte qu'eux, ils soient un avec toi. Et que dans cette union-là, ils deviennent dans une relation intime seulement avec toi. Pas sous couvert d'une religion. Et le même type y ajoute que tout, vous là, vous ne ressemblez pas à ces mecs qui aiment se faire voir dans les coins de la rue, qui aiment crier. Ils aiment se faire voir. Arrêtez-moi ça. C'est de l'hypocrisie. Vous, quand vous priez, rentrez dans votre chambre, fermez la porte. Rentrez, fermez la première porte, porte physique. Fermez la deuxième porte, porte mystique, psychique. Voilà pourquoi je vous dis, tout ce qui est des moments là, c'est des gens qui se moquent de moi. J'ai étudié la mystique chrétienne où. Bientôt 40 ans, depuis 1978. Je sais comment ça marche. La compréhension et l'interprétation de votre Bible, je connais. Je suis le seul initié qui d'ailleurs qui a été reproché. Mais comment toi tu ne cites la Bible? Ça c'est des bricoles, c'est du mensonge, c'est du banditisme. Ils vont jusqu'à brûler la Bible. Ça c'est leur choix. Mais j'ai toujours dit que la Bible, il y a une vidéo qui est ici où j'explique que c'est un livre scientifique, ce n'est pas une propriété religieuse. Les allégories qui sont là-dedans aident beaucoup de personnes. Donc vous mes frères qui êtes chrétiens, vous qui êtes musulmans, soyez un peu sérieux avec vous-même. Pourquoi jouer à cette double hypocrisie? Vous partez à la religion pour chercher quoi? En réalité. Est-ce que vous partez c'est pour chercher que Dieu vous donne? Mais là, vous commettez l'erreur. C'est ça l'erreur. La plupart des gens vont dans les religions, c'est pour chercher à ce que Dieu leur donne quelque chose. Que Dieu vous donne une femme, que Dieu vous donne le travail, que Dieu vous donne ceci et cela. Vous donnez des conditions au Créateur. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça l'objectif de la véritable voie de l'éveil. Nous qui sommes spirituels, nous ne rentrons pas. Moi, en 1974, quand mon grand-père, en dehors de ça, quand j'avais l'âge de 3 semaines de naissance, quand mon père m'a mis en connexion avec mes ancêtres, dont je ne vais pas citer les noms, à cause du couattage, l'objectif n'était pas pour me donner des milliards. L'objectif était de pouvoir me remettre en connexion avec mon cordon ancestral, me mettre en connexion avec ma divinité, me mettre en connexion avec les dieux. Maintenant, une fois vous êtes en connexion avec les dieux, mais tout le reste vous sera donné naturellement. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit quelque part. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et le reste là vous sera ajouté. Mais cherchez la justice, le royaume de Dieu là c'est quoi? Mais c'est de vivre sur les 4 lois fondamentales de la divinité expressive. L'amour, la puissance, la paix et la justice. Quand vous vivez en harmonie avec ces 4 principes fonctionnels de la vie, ben vous verrez que vous allez réaliser l'harmonie de la justice de Dieu en vous. Un homme juste, c'est qui? Mais c'est quelqu'un qui veille à l'équilibre des lois de la nature. Quelqu'un qui est au corps qui veut vous tuer. Vous le tuez, parce que c'est ça la loi de la justice. Si vous voulez du bien, vous donnez le bien. Donc, il faut être dans le juste milieu, le véritable garant et le gardien de l'équilibre des piliers de la vie, du bien et du mal. Et le royaume, c'est quoi? Mais ce sont les grandes béatitudes. Ce royaume n'est pas au sens littéral. Quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux, mais on demande l'harmonisation de notre âme avec l'âme universelle. Cette connexion de ce que nous sommes en tant que microcosme pour être un avec le macrocosme. Donc, vous comprenez que tout ça, ce n'est que des discours, c'est des grandes philosophies, mais la véritable philosophie pratique à partir d'aujourd'hui, sachez que votre tête et votre cœur, ce sont les deux organes qui vous bloquent dans votre évolution. Voici ma conclusion. Votre tête et votre cœur, voilà les deux organes. Vos programmations qui sont dans la tête, qui vous emmerdent dans tout, suivez la vidéo dès le début. Et votre double que vous étouffez, donc votre cœur, vous refusez d'écouter la voix qui vous parle. La voix de la sagesse, qui est une expression du double qui est ensommeillé en vous. Lequel double n'est autre que votre âme, qui s'est incarné dès le jour de votre naissance. Il a accepté par le cri de l'enfant. L'enfant a lancé ce cri. Enfin, corps, il est rentré. L'âme s'est incarnée dans ce corps. Et vous voyez maintenant la tête du bébé qui bambe. La glande pinéale. Et la respiration du ventre. Mais c'est ça, le premier chakra à la base. Voyez-vous? Donc, quand vous allez comprendre ces mécanismes-là, eh bien, vous verrez que vous allez améliorer votre vie. Donc, ne vous découragez pas. Je sais que ce n'est pas facile parce que vos âmes ont été tellement souillées dans ces milieux-là. Ça prend du temps, rassurez-vous. Je n'ai peut-être pas connu cela dans ma présente incarnation, mais je vois des frères vraiment qui passent des moments difficiles. Donc, cela est très important de créer l'harmonisation de votre cœur avec votre cerveau. N'ai-je pas proposé? Comment faire l'harmonisation de deux? Je donne des propositions. Je propose, généralement, il y a plusieurs techniques. Bon, moi, celle à laquelle je suis beaucoup ancré depuis 1978, c'est la méditation. La méditation va vous aider. Bon, maintenant, je ne parle pas de méditation. Avec mon expérience, j'ai créé ma forme de méditation. Je ne me base plus sur des histoires de méditation des Balams ou des Hindous. Parce qu'il faut adapter la connaissance en fonction de votre milieu. Donc, moi, étant initié dans mes principes et mes choses de l'Afrique, j'ai adapté ma méditation aux réalités africaines. Ce qui fait que pour ceux qui vont être là au cours des séminaires ou bien ceux qui vont bénéficier de mes enseignements, ma méditation à moi est une méditation purement basée sur la tradition africaine. J'ai d'autres méthodes, c'est-à-dire que quand nous rentrons dans ce qui est commun, c'est que c'est un état de neutralité absolue, mais dans cet état de neutralité absolue, il y a des images que vous créez, car celui qui médite ne pense plus et ne parle pas. Et je répète, celui qui médite ne pense plus et ne parle pas, mais se met dans un état de neutralité absolue. Et comment cela est possible? J'ai introduit des éléments de chez nous en Afrique. J'ai introduit la forêt, j'ai introduit les entités, j'ai introduit les ancêtres. Et il y a des éléments. Voilà comment je fais mes propositions pour pouvoir faire l'harmonisation de votre corps, de votre cœur et de votre tête. Parce que tout se passe dans votre tête. Le jour où vous allez réussir à laver tout votre cerveau là, vous allez nettoyer tous vos deux hémisphères, la gauche et droite, ou faire en sorte de confondre les deux hémisphères. Parce que moi, je n'ai plus deux. Je n'ai qu'un seul maintenant. Ça paraît fou, mais renseignez-vous très bien. On vous dira cela. Il y a des exercices au cours du séminaire en France. J'ai monté l'exercice. Je vous ai dit que je suis capable d'écrire de la main gauche et de la main droite. Je suis capable en même temps de prendre des actions. Je suis capable de faire, ils appellent ça ici, multitask. Je peux faire plusieurs boulots à la fois. La preuve, j'ai près de 29 métiers dans la tête là. Voilà. Je m'adapte à tout. Ce n'est pas seulement à cause de l'adaptation, mais mon cerveau fonctionne désormais sur une seule. Comment on appelle ça? Je n'ai plus deux hémisphères. Normalement et naturellement, l'homme, voilà comment le cerveau est constitué. Il y a deux hémisphères, gauche et droite. Mais il y a des exercices mystico-spirituels que vous devez répéter. Au bout de 10 ans, c'est fini. Les deux cerveaux deviennent un. Et je ne suis pas le seul. Renseignez-vous auprès de n'importe quel initié, ils vous diront que ce que je dis est faux, vrai ou faux. Bien, je ferme cette parenthèse pour vous. Déjà, je vous ai déjà dit, les deux éléments sont identifiés, les programmations et puis votre double. Et c'est ça, matériellement, c'est quoi? Mais c'est votre tête et votre cœur. Travaillez sur ça. Alors, moi, je reviens sur l'histoire du sang, parce que c'est très important, avant de vous quitter. L'histoire du sang, là, moi, je ne veux plus que les gens parlent trop de ça, s'il vous plaît. Le sang. Oh, Agnambi. sachez que une femme, la question revient, c'est à cause du sujet que j'avais parlé du sang. Pourquoi il y a des gens qui utilisent le sang? Mais quand je parlais de l'utilisation du sang pour des sacrifices humains, on n'a pas parlé des sangs des femmes. Le sang des femmes, c'est-à-dire les règles. Une femme, selon la loi ancestrale, quand elle est dans ces règles, vous ne devez pas la toucher parce qu'elle se purifie. Je ne savais pas, j'ai passé mon temps à lire le livre de Lévitique et dans le livre même de Deutéronome, il nous est rappelé des lois. Que vous là, vous allez maintenant, on est en train de traverser le désert, vous êtes en train de quitter le Nil, vous partez vers le Soudan. Et du Soudan, là, vous allez aller au Congo. Les femmes là-bas, vraiment, ceci, il faut faire attention. Vous, quand vous êtes dans vos histoires, bref, la loi de Moïse, là, des 10 commandements, dit quoi? Que quand une femme est dans les périodes, mettez-la en quarantaine. D'accord? On ne vous a pas demandé de prendre la femme, la chasser, mettre dehors. Non. Dans votre maison, faites tout le possible de toujours avoir deux chambres ou trois chambres. Ayez toujours une chambre à vous. Et ça, moi, je le recommande, surtout quand on entre sur la voie de l'éveil de l'esprit. Parce que c'est dans cette chambre que vous allez faire beaucoup d'expériences. Donc, quand la femme elle est dans ces histoires-là, laissez-la seule. Vous allez me dire, mais oui, mais maître, nous qui vivons en Europe, là, on a des problèmes d'appartement. Prenez votre matelas, allez-y au salon. Libérez la femme. Ce n'est pas moi, c'est la tradition. Moi, je respecte ça à la lettre. Quand une femme est indisposée, laissez-la pendant 7 jours. Et comme je l'ai dit dans mes forums, pourquoi 7 jours? Mais parce que le mois a 28 jours. D'accord? Les 28 jours, on devait marcher sur un calendrier normal lunaire. Bon, maintenant, là, les conneries que les Romains ont créées, là, avec les histoires qu'ils ont créées, je ne veux pas revenir dessus, mais moi, je marche selon le calendrier des anciens. On marche avec les saisons sèches, on marche avec la lune. Donc, le mois a 28 jours. Sur les 28 jours, vous pouvez toucher votre femme pendant 21 jours. Ce n'est pas interdit. Ça dépend de vos capacités et de vos forces, quel que soit l'âge que vous avez. Si elle aussi, elle peut accepter ça. Bon, maintenant, celle qui ne peut pas accepter, voilà pourquoi il y a des hommes qui ont plus de 2, 3, 4 femmes. Mais loin d'aller là-bas, je ne suis pas en train de faire la promotion de ceci. Moi, la promotion que je donne ici, je vous demande de respecter le corps de la femme. Parce que ce sang qu'elle dégage, ce n'est pas un sang pur. Contrairement à ce que les gens disent. Ce sont les impuretés de son corps. Mais il n'y a pas beaucoup d'initiés qui peuvent bien vous développer cela. Cela pourra faire l'objet d'un autre enseignement. Mais j'ai quand même cité les éléments. Ce sont des œufs, des ovules qui sont morts, et des ceci, le stress que la femme dégage, et pas mal de trucs. C'est un grand mystère que Teta Mwanga lui seul maîtrise. Et quand il vous donne des instructions, respectez ça. Donc, s'il vous plaît, quand la femme est en règle pendant les 7 jours, ne la touchez pas. N'osez pas tricher, oh, vraiment, ceci, pour prouver que vous êtes un homme fort. Vous n'avez rien à prouver. Vous avez 21 jours. Même s'il faut jouir pendant 21 fois, qui est une loi cosmique, mystique, que moi je respecte, que les initiés m'ont donné, mes ancêtres, même les Tibétains respectent ça, dans le yoga, on nous apprend ça. 21 fois, il faut jouir, mais vous pouvez faire l'amour 21 jours avec votre femme. Si elle est insentiable, ça son business. Mais seulement, elle a droit à 7 jours où elle doit se reposer. C'est comme ça. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des lois. D'accord? Deuxièmement, pas de pratique magique pour toute femme qui est indisposée. Et ça, vous devez le savoir. Et vous vous posez des questions que moi, j'ai pris Jésus, Seigneur, et vous, vous êtes là à genoux sous le sang. Même votre Bible que vous lisez là, le dit, le Coran le dit. Que lorsque la femme est dans des périodes de règles, elle n'a pas le droit d'observer le carême. Elle n'a pas le droit de jeûner. Elle n'a pas le droit de faire des demandes. Elle peut prier, mais des actions de grâce et autres, mais pas les prières de demande. Parce que les entités ou les génies ou les djinns ou les anges qui sont chargés pour faire véhiculer vos demandes sous couvert de leurs frères les démons, ils exigent beaucoup de pureté. Si vous leur parlez là, ils ne peuvent même pas venir. Pourquoi? Dans votre état. Voilà pourquoi il y a des prières et prières. Il y a certaines prières, on vous recommande. Là, je vais être clair, puisqu'il s'agit d'un initié qui vous parle. Là, je parle des prières ou des invocations ou des conjurations ou des évocations adressées à des entités de l'au-delà, quelle que soit la catégorie, que ce soit du bas astral, donc les démons, les génies, les esprits de nos ancêtres, les archanges, les super-anges, ou je ne sais pas trop qui, des principautés, qui encore là, des chérubins, des séraphins, tous ces mecs-là, vous n'avez pas le droit de les provoquer quand vous êtes en règle, mesdames et messieurs. Vous aussi, monsieur, votre femme est en règle, vous dormez avec elle sur le même lit, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller faire un rite parce que vous êtes déjà contaminé. Madame, quand je le dis, je n'ai pas dit que tu es sale, oh, mais c'est la loi divine que lorsque tu es dans cette période-là, tu es sale. Arrête de persécuter l'homme, oh non chérie, il y a seulement un peu, tu peux faire un peu, mais la capote, non, la capote n'a pas été désignée pour cela. Pour ceux qui ont pensé à ces histoires-là. Est-ce que cela est clair? Troisième point, toujours à nos mamans. Lorsque vous êtes en règle, vous n'avez pas le droit de faire des techniques de bilocation volontaire. Qu'est-ce que ça veut dire technique de bilocation volontaire? C'est les techniques de sortie astrale. C'est la technique de sortir en vampire. Ça, c'est chez nous au Gabon, au Congo, au Cameroun. Donc, on vampe au Mali, au Burkina Faso. Quand vous voulez sortir en vampire, madame, lorsque vous êtes en règle, quelle que soit l'urgence là, même si les esprits vous disent « Oh pardon, oh, pour venir, oh, pour venir, oh, ne sortez pas en vampire tant que vous êtes en règle. » Ça, ce sont mes entités qui me parlent. Ça, c'est des expériences acquises auprès des 21 loges, des 21 sociétés secrètes, mystiques, magiques que j'ai fréquentées. Ils tournent autour de la même règle, que ce soit les Brésiliens, que ce soit les Indiens, que ce soit les Népaliens, que ce soit les Pakistanais, que ce soit les Amérindiens ici, quand ils m'ont fait rentrer dans les eaux, ils m'ont répété la même chose, que ce soit les Pygmées du Gabon, que ce soit mes frères Mitsoro, que ce soit mon grand-père Kakamueka, que ce soit mon grand-père, je ne sais pas citer l'autre nom, parce qu'ils vivent d'autres fréquences, ils m'ont dit la même chose. Oh! C'est moi qui ai ajouté seulement la deuxième technique, la deuxième raison là, ça c'est moi avec mes propres expériences, que lorsque vous êtes en règle, ne faites aucun rite mystico-spirituel qui consiste à convoquer ou à appeler. Même Mama Dunjembe qui sont ici, qui me suivent, doivent savoir de quoi je parle. Quand elles sont en règle, elles savent ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Vous comprenez? Voilà, j'en ai terminé sur l'affaire du sang et je ne veux plus qu'on pose trop ces questions-là. Pardon, respectez la maman. Avez-vous des questions? Posez vos questions et pendant ce temps, moi, je vais mettre un peu la musique. Vous allez poser vos questions, je mets la musique. S'il n'y en a pas, bon, et puis on va se quitter parce qu'il faut que j'aille au boulot. Nous allons détendre donc avec la chanson de ma petite sœur Prisca. Et je n'ai pas les droits d'auteur. Battery, 36%. Merci beaucoup. Samsung Galaxy S7 Edge, connected. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et elle fait beaucoup de choses, Mama Prisca. Elle est très occupée ces derniers temps. Veuillez la soutenir dans tout ce qu'elle fait vraiment. Elle valorise notre culture. Merci beaucoup. Donc, j'attends vos questions. Ande, ande, ande, ande, ande, ande, Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Bien, nous allons examiner les questions. Je vois déjà, il y a une remarque qui m'a été adressée. Bon, si vous êtes nouveau, vous tentez de me joindre depuis un bon moment, mais vous n'arrivez pas à m'avoir. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je ne vais pas me fatiguer de vous le répéter. Retenez ceci. Les dimanches, les lundis et les mardis, ce sont mes jours de silence. Et souvent, mon téléphone, je le laisse parfois avec mon enfant. Parce que je sais qu'il y aura toujours des gens qui vont venir poser des questions dans les forums ou m'appeler en privé. L'autre numéro de téléphone, ceux qui m'appellent à l'autre numéro là, retenez ceci. J'ai toujours dit, voilà pourquoi nous avons d'abord ici un instrument de transmission des peu de connaissances que j'ai en 47 ans d'expérience. Et je n'ai toujours pas obligé les gens de croire forcément à ce que j'ai dit parce que ce sont mes propres expériences que je viens partager. 90%, c'est moi-même, c'est mes propres pèlerinages avec mes entités, mes qu'on appelle ça, mes ancêtres. Mais le petit 8%, c'est parfois des lectures historiques. Je me documente et je ne donne pas n'importe quelle fausse information qui finalement va mettre en difficulté ma crédibilité. Donc, souvent, je cherche des sources d'information très sûres. Surtout, ma véritable source d'information, c'est souvent les fonds latins du Vatican. Ces fonds latins-là détiennent beaucoup de secrets, des décisions que les papes avaient prises, les décisions de la création de la plupart des religions. Et également, il y a certains documents que je puise ici au niveau des États-Unis, car c'est ici aux États-Unis que la plupart, la majorité des églises, que ce soit l'église pentecôte, que ce soit les églises anglicanes, que ce soit les églises des méthodistes, que ce soit les églises, la religion des témoins de Jéhovah, tout a été créé ici aux États-Unis. Donc, j'ai toute une documentation. Plein, des milliers de pages, près d'une cinquantaine de livres que j'ai bien examinés. Et j'ai discuté avec les fondateurs de ces milieux. Par exemple, le mouvement Branham, Blébranisme, là, que les Africains se tordent le cou comme des fous en Afrique. Et je connais les réalités derrière cela. C'est un gars qui a fait simplement le yoga et il a mélangé son yoga avec l'histoire du Saint-Esprit. Bref, donc, c'est pour cette raison, généralement, les dimanches, les lundis et les mardis, ce sont les jours auxquels je ne parle pas. Et il y a peut-être un seul jour où je travaille, et même à mon lieu de travail, ils n'osent pas me déranger. Le signe est là. Do not disturb. J'ai la grâce de faire un boulot où je suis chef de moi-même. Je rends des comptes à mon chef de service, qui est une Américaine blanche, mais qui connaît mes principes. Et Dieu merci qu'elle-même aussi C'est elle qui m'avait introduit. C'est des choses que je ne devais pas dire, mais bon, puisqu'elle ne vient pas ici, là. C'est elle qui m'avait initié dans le Reiki. Le Reiki, là où je suis devenu maître. C'est elle qui m'avait introduit là-dedans. Elle est d'origine indienne, mais elle est née ici aux États-Unis. Donc, j'ai ce privilège d'avoir un chef qui vibre sur les mêmes fréquences que moi. Comprenez? Ce qui fait que les lundis, quand je suis au bureau, on ne me dérange pas. Donc, les dimanches, lundi et mardi, ne m'appelez pas, ne m'écrivez pas et n'insistez pas. Je vous dis bien, même mes parents, si, même s'il y a quelqu'un qui meurt, on ne me dérange pas. Et que cela, je le répète tous les jours, je fais ceci, j'observe ceci plus de 35 ans déjà. C'est un principe, c'est un lifestyle. C'est mon style de vie, s'il vous plaît. Donc, vous qui vous plaignez là, qu'on tente de me joindre, je ne sais pas par où vous m'avez tenté de me joindre. Après la vidéo là, si vous n'êtes pas dans les forums, mais, tapez à la droite de votre téléphone. Ne le faites pas à partir de l'ordinateur, ça ne marchera pas. Mais votre téléphone portable, vous tapez là à la droite de votre vidéo, vous verrez le message. Merci pour m'avoir suivi, quoi là. Et voici les liens. Ne rentrez pas dans les mots, les machins qu'on appelle. Ne rentrez pas dans les WhatsApp. Tout est saturé. Les trois WhatsApp sont saturés. Il y a plus de 1000 personnes là-dedans. Mais par contre, c'est au niveau de Telegram où vous allez cliquer. Mais si on vous rejette, ça veut dire que vous donnez des fausses informations. Ça, c'est un détail que j'ai toujours répété. Quand on vous rejette, ça veut dire que vous donnez des fausses informations. Alors, le robot, ce n'est pas moi. Nous avons, mon fils a établi un robot là-bas qui gère donc ce compte-là de le Baobab Telegram. Donc, le robot se charge de vous identifier avec votre nom et votre photo. Et le robot vous avertit quand vous allez écrire des langages qui ne sont pas appropriés. Et là, je suis en train de travailler maintenant sur l'identification de tout un chacun, des femmes comme hommes, parce qu'il y a eu des plaintes qu'il y a des hommes qui passent leur temps à draguer les femmes qui sont dans mes forums. Ce n'est pas un club de rencontres ni de sexe. Ce ne sont pas des bésodromes. Et là, je suis en train de travailler avec mon fils là. C'est son domaine. Il est ingénieur de machines d'histoire d'informatique. Où, quand une maman va exprimer sa colère, quand elle va écrire, ça va automatiquement mettre ça dans le groupe sous une forme d'avertissement à l'individu qui la contacte. Ça veut dire quoi? La maman, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « Non, je ne veux pas vous donner le nom de la personne. » Mais puisque le robot va identifier le téléphone qui va contacter la femme là, eh bien, ce numéro va apparaître dans le forum et va avoir un avertissement et sanction. Ce n'est pas normal. Bon, bref, pardonnez-moi, sous le ton, c'est des choses qu'on devait arranger en privé dans nos forums, mais puisque si ça vous êtes les mêmes qui me suivez. Donc, s'il vous plaît, rassurez-vous. Si vous voulez me contacter, contactez-moi les mercredis, les jeudis, vendredis et samedis. Voilà les 4 jours. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et quand vous me contactez là, ce n'est pas très sûr que moi je dois vous répondre vite, vite. Vous comprenez? Je n'ai pas un cabinet organisé, je n'ai que mon fils qui m'assiste parfois. Et le pauvre, il bosse, il va à l'école en ce moment. Donc son cerveau est carboné là-bas avec l'école. Maintenant, je suis en train de former un jeune noir américain. Mais le noir américain, lui, il ne parle pas français. C'est compliqué pour moi. Je suis en train de lui enseigner le français. Il doit interpréter, il prend un dico, le dico en ligne pour savoir ce que vous dites, ce que vous ne devez pas dire. Donc, voyez-vous? Je vous l'ai toujours dit, je ne cache pas ma vie privée. J'ai deux boulots. Donc, avec le deux boulots que je fais, ok, et je dois m'occuper de moi-même, faire le sport, faire ceci, faire cela. Je suis impliqué dans mes mouvements politiques et tout. Nous avons nos problèmes ici, là, avec cette affaire des vaccins. Je suis impliqué dans une équipe, là, pour des sensibilisations. Donc, quand vous m'écrivez, sachez aussi que devant vous, il y a des centaines, voire des milliers de personnes. Il y a des gens, par exemple, qui m'ont demandé les consultations. On ne fait que renvoyer. Parce que les heures que les personnes me donnent sont des heures où moi, je suis au boulot. Donc, je suis obligé parfois de faire un sacrifice, faire ce qu'on appelle le call-off. Et quand je fais un call-off, hein, je vous signale que je perds près de 1 200 $ la journée. Allez-y, calculez. 715 000 francs CFA que je perds. La journée, là, que je call-off, c'est 715 000 francs. 715 000 CFA, qui est presque le salaire de quelqu'un là-bas, quelque part en Afrique. Je perds ça en une journée. Donc, vous voyez les sacrifices que je fais. Donc, voilà pourquoi, s'il vous plaît, quand je ne vous réponds pas, n'insistez pas. Oh, vous m'avez oublié. Oh, on vous a dit que je vis de ça. Je viens donner ces enseignements-là parce que dès que j'ai fini là, j'ai un logiciel, j'ai tout de suite, je vais balancer pour faire la traduction en français, en anglais, parce que j'écris tout ce que je fais là, j'écris à cause de l'incident des gens qui viennent voler mes enseignements. Donc, tout ce que je fais là, je vais écrire. Voyez. Donc, je suis également occupé à écrire tout ce que j'ai dit ici. Donc, ne vous sentez pas léger parce que vous tentez me joindre, ceci, cela, vous n'arrivez pas à m'avoir. Non, non, non, non, non, non, je ne fais pas exprès. Vous comprenez? Depuis, là, je m'adresse à Bogar Nkun. Je vais vous joindre, mais vous ne me répondez pas parce que je ne suis pas gabonais. Oh, mon Dieu, comment vous allez dire des choses comme ça? Comment vous répondez des choses comme ça? Savez-vous que la majorité des gens que j'ai ici, là, ce ne sont pas des Gabonais? Je suis très blessé quand vous parlez comme ça, là. Je vous informe que la majorité des gens que j'ai ici, là, en tête, c'est les Camerounais, puisque je suis dans un groupe là-bas. Je vous informe. Hein. La majorité ici, là, le pourcentage le plus élevé, 53%, c'est les Camerounais. Suivi des Burkinabés, j'étais surpris. Je suis beaucoup suivi au Burkina Faso. Suivi des Ivoiriens. Suivi des Béninois. Et les Gabonais sont en cinquième position. Les Togolais sont en sixième position. Et les Congolais, moi où je pensais avoir beaucoup plus de personnes, ils sont en dernière position. Donc, vous qui me dites parce que vous n'êtes pas Gabonais, arrêtez ça s'il vous plaît. La majorité des gens qui me suivent, ce n'est pas des Gabonais. Donc, retenez cela, hein. Parce que je vérifie les statistiques là. YouTube me donne. Je connais. Et j'ai un robot où je filtre tous les noms que vous avez là. Donc, la plupart des noms, je connais. Je connais les noms des Gabonais, machin, machin. Beaucoup de, je vous dis pourquoi. Pourquoi beaucoup de Gabonais ne me suivent pas? Mais parce qu'ils m'ont connu dans l'histoire de la politique où j'attaquais le régime en place. C'est pour cela que beaucoup se découragent. Vous qui dites parce que je ne suis pas Gabonais. Non, la majorité qui me suivent, ce sont des frères des autres pays. Là où j'ai été voyageur, est-ce que c'était au Gabon? Les séminaires que j'organise, je ne vous ai pas dit. Au Kenya, au Rwanda, ce n'est pas le Gabon. Le prochain séminaire, ça risque d'être au Burkina Faso. Ce n'est pas les Gabonais. Et les gens qui me payent beaucoup plus d'argent, je vous informe, ce n'est pas les Gabonais. Vous comprenez? Donc, pardon, ne faites pas cette remarque-là. Je ne suis pas fâché, mais ce n'est pas bon. Il n'y a pas que les Gabonais qui me suivent. Bien, rentrons dans le cadre des questions. La magie, c'est l'âme qui agit. Oh oui, c'est vrai. Ok. Ah, mon fils Yann, merci beaucoup de m'assister et expliquer aux gens. Question, notre âme peut-elle nous guérir d'une maladie physique? Pour vous informer, c'est que la maladie, elle est d'abord l'âme. C'est l'âme qui tombe malade. En fait, c'est l'âme qu'on atteint avant que le corps physique. Là, je vous parle en tant que mystique spirituel. Quand on dit que quelqu'un il est malade, en fait, ce n'est pas le physique. Le physique n'est que la conséquence et le reflet de la maladie qui frappe l'âme. Ça paraît bizarre. Est-ce que l'âme peut tomber malade? Non, en fait. Permettez-moi pour que je ne dise pas de bêtises. Notre âme peut-elle nous guérir? Si c'est une âme éveillée, votre double éveillé qui a réussi à créer la symbiose individuelle avec l'universel, oui, en ce moment, votre esprit peut vous guérir. Votre être divin peut vous guérir. Puisque la guérison du physique provient de la guérison de l'âme. Or, la guérison de l'âme provient de votre connexion avec l'âme universelle. C'est-à-dire que dès lors que votre âme individuelle est éveillée, votre double est éveillé, en ce moment-là, votre double ou votre âme est aguerri, est fort, éveillé dans toutes les dimensions. Et en ce cas précis, c'est l'âme maintenant que vous pouvez guérir votre physique. Mais en réalité, dans la logique mystico-spirituelle, puisque beaucoup pensent que la spiritualité n'a pas de logique, mais il y a la logique. Si votre âme, moi personnellement, je vous dis, depuis que je suis né, peut-être quand j'étais enfant, mais plus de 50 ans, je ne connais pas la maladie. Non, non, non, je suis honnête avec vous. Je ne connais pas la maladie, moi. Je ne tombe pas malade. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que, sûrement, mon âme. Et je me suis forgé un programme aussi qui est fou. Je ne mange pas de viande, je suis végétarien, je ne mange que des fruits la journée. Et depuis un bon moment, je ne mange que de l'air. Je ne mange pas la vraie nourriture. Des fois, je fais 2 semaines, je ne mange pas de nourriture. Ça vous paraît fou, mais vérifiez, il y a un enseignement, il y a des techniques actuellement, un véritable yoga qu'on appelle le yoga du prana. Le pranayama yoga également introduit un chapitre où vous nourrissez seulement du prana. Mais ça demande un entraînement. Moi, j'étais en Inde pour ça. Si Dieu le voudra, je crois d'ici février, j'ai un voyage que je prévois en Inde, justement, de me retrouver auprès d'un ami qui, d'ailleurs originaire de l'Ohio, c'est le seul qui a fait 22 ans sans avoir mangé ni boire de l'eau. Il ne vit que de l'air. Ça s'appelle the brevier, the brief, breviarian. Voilà, c'est le nom en anglais. Breviarian. Vous voyez, quelqu'un qui se nourrit de toutes ces histoires-là, et le monsieur a plus de 90 ans, mais quand vous le voyez, il a 30 ans. Alors, donc, c'est toute cette disposition que vous prenez pour faire de votre âme un esprit, votre même âme, une âme très forte. Donc, par conséquent, votre physique ne peut pas tomber malade. Ce monsieur dont je vous dis, pendant 22 ans, il marche sans chaussures. Il ne connaît pas les chaussures. Il marche presque nu. Il est toujours dans l'eau. Il est toujours dans le soleil. Il n'est pas tout son temps qu'à rire. Il ne vit que dans la joie, dans le bonheur. Il a des enfants. Il avait une femme. Bon, la femme a dit qu'il est devenu fou. La femme a été l'abandonner. Vous voyez, Breivarian, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, technique d'aération. On nous appelle des aériens. Là, je suis en train de me préparer pour vivre comme ça. Je vais économiser de l'argent, je n'aurai plus à payer les fruits, je n'aurai plus à payer de l'eau, je n'aurai plus à payer la banane ou quoi que ce soit. On ne vit que de l'air, ça existe ça. Tétamouanga. Et quand vous vivez comme ça, mais vous êtes une divinité consciente, éveillée, vous êtes vraiment Dieu exprimé à 100%, puisque Dieu ne mange pas. Voilà le problème, Dieu ne mange pas, Dieu ne dort pas. Et le monsieur m'explique qu'il dort à peine seulement une heure par jour, parce qu'il ne connaît pas la fatigue. Quand il dort, il se repose, il se relaxe. Bref, oui, votre âme peut guérir votre corps physique aux conditions que je viens de mentionner, à condition de suivre ce que je viens de mentionner, si je ne me suis pas trompé. Moi, Nakasongo me demande si j'ai votre propre grimoire qu'on peut acheter pour expérimenter des recettes. Non, je n'ai pas un propre grimoire à moi. C'est vrai que j'ai des trucs que j'ai déjà préparés. Mais j'ai peur, je préfère souvent transmettre de bouche à oreille comme mes ancêtres me l'ont fait passer. Mais par contre, dans mes livres sur la technique du prêt et sur la technique de, on appelle ça comment, de l'initiation douce, oui, je propose des techniques là-dedans que j'ai puisées de certains grimoires. Certains frères, par exemple, du Congo m'ont donné certains grimoires et j'ai copié avec leur autorisation. Est-ce que les oraisons mystiques sont aussi puissantes que les rituels magiques? Oraison mystique ou conjuration ou autre, c'est la même, c'est tabac de même pipe. En fait, c'est des synonymes. Ils disent tous la même, ils veulent dire tous la même chose. Oui, c'est tous. Qu'est-ce qu'on appelle rituel mais magique? Le rituel magique, ça peut être une invocation, ça peut être une convocation, ça peut être une conjuration, ça peut être des oraisons que vous faites, que vous prononcez. Oui, ça a le même effet que les rites magiques. Oui, c'est la même chose. Comment faire pour savoir mon totem? Le totem, là, je crois que vous avez des origines peut-être du Cameroun, si je ne me trompe pas. Hein? Si ce n'est pas le cas, il faut voir avec votre tribu, il faut voir avec votre famille, c'est-à-dire l'histoire de votre lignée ancestrale, et que ce soit du Congo ou du Cameroun ou du Gabon. Nos totems s'identifient d'abord à partir de notre identité culturelle, ethnico-tribale. C'est ça. Et quand vous connaissez votre groupe ethnique tribal, on va vous donner votre histoire. Moi, par exemple, du côté de mon père, notre totem, c'est le perroquet. Du côté de ma mère, c'est l'ongoye, la panthère. Vous voyez, c'est la panthère noire. Donc, je connais le totem. Maintenant, le totem ne suffit pas de connaître que c'est la panthère. Il faut connaître le grand mystère derrière cela. Et comment ça a commencé? Ben, il y a une histoire derrière le perroquet. Chez mes parents, du côté de mon père, par exemple, du père à mon père qui est gallois, il y a une histoire derrière cela. Maintenant, la mère à mon père qui est Sake, Benga, elle est aussi panthère noire, Ngoi. Maintenant, le père à ma mère, du côté Gissir, elle a également le totem de la panthère. Et elle a du côté de sa mère l'éléphant. Mais tous ces totems-là, moi je les ai étudiés. C'est ça, comment on peut connaître son totem, l'identifier. Mais vous me demandez à moi, je suis mal placé mon frère. Hein? Donc, je vous demande de vous rapprocher de votre arrière, de votre grand-père ou quelqu'un qui vit encore. Il pourra bien vous expliquer. C'est ainsi que vous saurez votre totem. Oui, c'est important de connaître son totem. Car à partir de ce totem, vous vous greffez et vous vous connectez avec vos ancêtres et vos entités. Pour moi aussi, très clair et limpide. Merci infiniment. Juste savoir à propos de la nourriture. Devons-nous changer notre alimentation durant ces 7 jours de menstruation? Bonne question, maman. Laissez-moi poser la question à ceux-là, parce que je n'ai jamais rencontré une question pareille. Voilà. Bon, je crois que c'est une maman qui est en train de me parler. Elle me dit, ça dépend. Mais dans la tradition des Yoruba, elle est en train de me dire, Souvent, quand la femme est dans sa période, il est recommandé qu'elle consomme des fruits. Il est recommandé pendant ce temps-là de manger moins de viande et ne même pas toucher aux viandes. Manger plus de fruits, manger les bananes et manger du blé. Hein? Voilà, c'est ça que la femme de Yoruba là, est en train de me dire. Bon, moi, je ne la connais pas. C'est ce qu'elle vient de me dire. Parce que c'est la première fois qu'une personne pose une question pareille. Y a-t-il des aliments appropriés quand on est en période de menstruation? Elle vient me le dire tout à l'heure que ça dépend. Ça dépend. Mais quand ça dit ça dépend, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé. Mais en réalité, elle, c'est parce que c'est une entité. Moi, je suis initié dans les rites de Yoruba là. Ce sont eux qui m'ont donné ce petit chapeau rouge que vous voyez que je porte avec d'autres histoires là, voilà, avec ce machin là que vous voyez. Voilà. J'ai même oublié de porter ça. Ouais, ce sont eux qui m'ont donné ça. Donc, la maman est en train de me dire que oui, il vous faut le blé, les fruits et tout, il faut changer de régime. C'est ça. Il faut changer. Et vous avez suivi. Moi, je ne me rappelle même plus ce qu'elle m'a dit. Vous allez re-suivre la vidéo. Que pensez-vous de l'eau de l'océan que nous pouvons faire afin de nous purifier? Oui. Oui, l'eau de l'océan peut vous purifier, c'est vrai. Oui, faites de temps en temps des bains. Je le faisais quand j'étais à Libreville. J'allais souvent au bord de mer, à côté de la présidence. Ou bien j'allais souvent vers la Sablière ou encore au Cap Estérias. Et vous vous jetez. Mais il faut parler. Il faut d'abord faire une grande technique de méditation. Vous parlez, vous dites certains, vous émettez certains vœux et vous demandez d'abord à vous protéger. Parce que ces zones-là, à cause de ceux qui sont au Gabon, là je parle de mon pays, le Gabon. Ces côtes-là sont gardées par une mère. Et cette mère-là, c'est une dame très dangereuse. Elle n'aime pas qu'on vienne offenser ses côtes, bien qu'elle est fâchée du fait qu'il y ait trop de mauvaises pratiques qui ont été faites sur la côte gabonaise. Les vrais Gabonais initiés connaissent la femme dont je parle. Elle n'a rien de diabolique. C'est elle qui est la gardienne de l'estuaire. Bon, bref, oui, il faut aller dans la mer. Vous allez vous purifier. Qu'est-ce qu'on peut dire? Lorsque on a une malchance chronique, et quoi que l'on fasse, rien ne marche. On a des rêves dans lesquels les serpents nous poursuivent tous les jours. Par quoi commencer? Waouh, excuse-moi, tu me fais pas rire, mais c'est quand même bizarre ça. Bien, la malchance chronique, c'est quoi en fait? Bon, c'est ce qu'on appelle en anglais the serial scrambling situations and chaos. Waouh, c'est grave. Parce que j'ai eu la même question, un Américain qui me l'a posée. Lorsque c'est comme ça, ben, il faut s'arrêter un moment. Oh, pardon, pourquoi je vais parler longomien? Voilà, ça, c'est un vieux gallois qui voulait me parler. Oh là là, mais ces entités-là ne veulent pas laisser tranquille, ils sont en train de m'embrouiller là maintenant. Oui, donc, quand il y a une série d'événements qui vous tapent et qui vous frappent comme ça, eh ben, ne paniquez pas. C'est là où, justement, les gens ont tendance à paniquer, contacter les gens à gauche, à droite, sortir l'argent n'importe comment. Ne le faites pas. Calmez-vous, asseyez-vous, restez chez vous. Enfermez-vous dans votre chambre, prenez-moi une cuvette blanche, je répète, prenez-moi une cuvette blanche, chargez-la de l'eau de source. Chargez cette cuvette blanche-là de l'eau de source. D'accord? Pas de l'eau de pompe, l'eau de source. Donc, faites un sacrifice, payez même les bouteilles, rien, et tout, chargez. Si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas, si vous vivez dans la brousse, comme nous autres dans les villages, c'est bon. Mais si vous vivez dans les villes, en ville, ben, vous allez acheter l'eau de rien ou quoi, quoi, là. Que vous mettez, c'est l'eau de source. Okay? Et dans cette eau-là, vous allez allumer deux bougies, d'accord? Une à gauche et à droite, vous commencez par la gauche vers la droite, et ensuite vous prendrez une poignée de sel. Une poignée de sel. J'aurais souhaité que vous preniez le sel jaune de l'Himalaya. C'est très efficace. Bon, on ne trouve pas ça en Afrique, c'est rare, on trouve ça beaucoup plus en Europe et ici. Dans ce cas, vous prendrez du sel iodisé. Le sel iodisé. Voilà. OK? Le sel iodisé, ça existe. C'est ce sel que vous allez prendre une poignée dans votre main et vous parlez. Vous parlez. Vous parlez. Vous avez le sel dans la main et puis vous parlez. Main droite. La main droite, parce que vous en posez trop de questions. Vous parlez dessus, vous émettez vos vœux et vous jetez ça dans l'eau. D'accord? Et vous tracez la croix des éléments sur cette eau-là. Conformément au livre bleu que je vous recommande de commander, La lumière sur le royaume. Maintenant, si vous n'avez pas le livre bleu, je ne vais pas vous charger de l'argent, je peux vous entretenir pendant 5 minutes, je vais vous montrer le rituel, ce qu'il faut tracer sur cette cuvette blanche. Et après cela, quand je parle de vœux, ça veut dire libérer, de libérer votre âme, de libérer votre âme de tout. Vous commencez d'abord par un commencement. Parce que la vie ne peut pas, comme vous dites là, vraiment de manière. Oh, tout, tout, tout, tout, tout. Non, vous commencez par d'abord libérer votre âme. Libérer votre âme, c'est ça. Donc, vous vous baignez de la tête vers le bas et vous parlez. Vous parlez. Maintenant, si vous êtes chrétien, vous allez lire le psaume 91, le psaume 27. Je répète, le psaume 27, le psaume 91, si vous êtes chrétien. Et si vous n'êtes pas chrétien, eh bien, vous allez tout simplement vous adresser maintenant à l'ancêtre le plus puissant de votre famille. Renseignez-vous. L'ancêtre le plus puissant de votre famille va dire que l'ancêtre qui était l'ancêtre le plus influent de votre famille, vous devez prononcer son nom 7 fois. Prononcez le nom de cet ancêtre-là 7 fois. Pendant que vous vous baignez, vous prononcez son nom, vous parlez et vous vous présentez. Faites ça pendant 21 jours, s'il vous plaît. Voilà une recette gratuite et vous me direz la suite. Si vous allez encore voir les histoires de Orio, les choses qui me calboignent n'importe comment, les serpents qui vont vous poursuivre. C'est suite à la consommation d'un poison que j'ai posé la question de la guérison de l'âme sur le corps physique. D'accord, le poison, ok, je comprends maintenant. C'est suite, oui, ok, je crois que c'est. Quels sont les bienfaits d'utilisation des plumes rouges du perroquet? Je ne peux pas vous répondre à cette question car ces plumes-là sont utilisées pour des initiations, rien que l'initiation. Est-il vrai que le totem du clan Boboumouedi, Shigisir, c'est le sanglier? Oui, à moins que je me trompe, mais veuillez demander à Neshira qui vit au village, il va vous confirmer. De peur que je dise des bêtises. Toujours à tous et à toutes pour vos enseignements, merci. Ok. Vous n'êtes pas égoïste à savoir. Oh, merci beaucoup. Ouais, je ne peux pas être égoïste, hein, parce que c'est l'heure du verso, là. On est déjà à l'heure du verso, il faut qu'on finisse, là. Bientôt, moi, je vais partir. Moi, je ne sais pas. Quand je dis bientôt, je vais partir, ce sont ceux qui ne font que me le dire. Donc, je ne sais pas à quel moment, ça peut être demain ou après-demain. Les douleurs de dos, il faut aller voir les gens, là. On les appelle comment? Nous, ici, on les appelle des chiropractitioners. Donc, ils vont vous redresser le dos. Il y a des massages spéciaux. On vous casse le dos, on redresse. C'est pas trop grave. On n'a pas besoin de fétiches pour ça, là. Bien. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc, que Tétan Monga vous bénisse. Vendredi, on aura encore un autre enseignement. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Je vais me reposer. Et que Tétan Monga vous bénisse. Merci encore. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci encore.